Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Esprit Libre, épisode numéro 6, et nous sommes le vendredi 14 octobre 2022. Avant de commencer la partie musicale de cette émission, je compte d'ici peu de temps rajouter sur ma page Facebook la playlist complète des titres diffusés depuis le numéro 1. Pour retrouver ma page, vous tapez dans la barre de recherche Ludovic Obeuf et hop, vous me retrouverez directement, je suis le seul. Je réitère une petite demande, si quelqu'un m'écoute en tout cas, celle de me laisser, si vous le désirez, un petit message via WhatsApp. Mon numéro c'est le 07 81 64 12 01. Un petit message WhatsApp de 10 secondes dans lequel vous pourrez dire ce que vous voudrez. Je voudrais me servir de vos voix en tant que jingle. Voilà. Tout ce blabla passé, démarrons la partie la plus importante, la musique. Dans la première partie, vous allez retrouver No One Is Innocent avec Gasoline, extrait de l'album portant le même nom et édité en 2007. Je vous ai prévu un morceau des Chemical Brothers, groupe que j'affectionne particulièrement, avec le morceau Galvanize, issu de l'excellent Push the Button et édité en 2007 également. Mais pour démarrer, quelque chose de différent, du rap qui passe plutôt bien avec la gale. Le morceau s'appelle Petrodollar et provient de l'album Salem City Rockers, plus récent puisque de 2018. Bonne écoute, vous êtes dans l'esprit libre. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Des astres dans le viseur qui me portent la poisse. Ma carcasse absente de l'enregistrer leur cadastre. Ma gueule encadrée dans leur liste et leur cap. Le code génétique qui trahit à chaque fois je me déplace. Sous d'absurdes lignes à la une, on m'affuble. Mon image dissoute à la crasse et à l'usure. Et pour m'expliquer sur l'origine de mes séquelles, j'ai le droit à mon briquet et mon essence culturelle. La suite est lisible et les muselières suivent. Entre la plaie et l'acide et la pile de missives, la lucidité gagne mais ne prévient pas des dérives. La carotte, la cravache garantissent l'offensive. Mascotte humanitaire en marge des sommets mondiaux. Ma sale gueule en prime pour récolter la sève. Oblitération des aspects psychosociaux. Et chacune de mes rimes passées sur leur bureau. Je ne précise plus ma destination. La mémoire accrochée à ces maigres motivations. En guise de nos futurs, nos veines en pâture. Nos cœurs se déshydratent quand les gros titres annoncent qu'un nouveau conflit éclate. Scandaleuse presse suspendue à chaque lèvre, imprimée sur les flancs jusqu'à décoller la plèvre. La rétine en face sur cadran prioritaire et une existence sur fond de régime autoritaire. La mort en capsule et en terre ferme. La peur qui recule à chaque fer à l'épiderme. Ma mâchoire d'arabe accrochée aux barrières. En conclusion se dérobe au pipeline et aux panières. De soufre et de sac, des orteils à la tête. La mèche allumée par ma dernière cigarette. La frontière du sort, je suis la pioche au tunnel. Sous le phosphore en salve et les coups de soleil. Je ne précise plus ma destination. C'est mes grandes motivations. La sangre seca en un libro de historia. Nous sommes passés à dérailler en gare. L'acier, la mitraille et le pétrodollar. Camino a la Mercedes, mi antinación. Je ne précise plus ma destination. légende en plein désert. Push the button. Welcome to world. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Je n'ai rien désintégré du tout. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Thank you. J'espère que vous êtes toujours avec moi et pour la deuxième partie, vous avez eu droit à Molly Hatchett et avec Dreams I'll Never See, Rainbow avec Man on the Silver Mountain et enfin Judas Priest avec You've Got Another Thing Coming. Maintenant, voilà ce qui vous attend. Robin Trower, un guitariste de génie, et son morceau The Fool and Me, passage du côté de Stevie Lage et Afterglide. Vous verrez, c'est le pied intégral. Pour terminer, il y aura Take the Highway des Marshall Tucker Band. Allez, je me tais et je vous laisse en musique avec l'esprit libre. Gump ! Quel est ton seul et unique but dans cette armée ? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur ! Putain de merde, Gump ! T'es un putain de génie ! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue ! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160 ! T'es un putain de merde de deuxième classe doué, Gump ! Yeah. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Nous arrivons à la fin de cette émission, ce numéro 6 d'Esprit Libre. Je vous laisse pas sans rien. Voici le petit morceau bonus Dire Straits avec Walk of Life. C'est un live et n'oubliez pas que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Got the motion.